Les aventures du dernier rabbin Serrage, de Chateaubriand, lu par Johan pour audiocité.net. Avertissement. Les aventures du dernier rabbin Serrage sont écrites depuis à peu près une vingtaine d'années. Le portrait que j'ai tracé des Espagnols explique assez pourquoi cette nouvelle n'a pu être imprimée sous le gouvernement impérial. La résistance des Espagnols à Buonaparte, d'un peuple désarmé à ce conquérant qui avait vaincu les meilleurs soldats de l'Europe, excitait alors l'enthousiasme de tous les cœurs susceptibles d'être touchés par les grands dévouements et les nobles sacrifices. Les ruines de Saragosse fumaient encore, et la censure n'aurait pas permis des éloges où elle eût découvert, avec raison, un intérêt caché pour les victimes. La peinture des vieilles mœurs de l'Europe, les souvenirs de la gloire d'un autre temps et ceux de la cour d'un de nos plus brillants monarques n'auraient pas été plus agréables à la censure, qui d'ailleurs commençait à se repentir de m'avoir tant de fois laissé parler de l'ancienne monarchie et de la religion de nos pères. Ces morts que j'évoquais sans cesse faisaient trop penser aux vivants. On place souvent dans les tableaux quelques personnages difformes pour faire ressortir la beauté des autres. Dans cette nouvelle, j'ai voulu peindre trois hommes d'un caractère également élevé, mais ne sortant point de la nature, et conservant avec des passions les mœurs et les préjugés mêmes de leur pays. Le caractère de la femme est aussi dessiné dans les mêmes proportions. Il faut au moins que le monde chimérique, quand on s'y transporte, nous dédommage du monde réel. On s'apercevra facilement que cette nouvelle est l'ouvrage d'un homme qui a senti les chagrins de l'exil et dont le cœur est tout à sa patrie. C'est sur les lieux mêmes que j'ai pris, pour ainsi dire, les vues de Grenade, de l'Alhambra et de cette mosquée transformée en église qui n'est autre chose que la cathédrale de Cordoue. Ces descriptions sont donc une espèce d'addition à ce passage de l'itinéraire. De Cadix, je me rendis à Cordoue. J'admirai la mosquée qui fait aujourd'hui la cathédrale de cette ville. Je parcourus l'ancienne bétique où les poètes avaient placé le bonheur. Je remontai jusqu'à Andújar et je revins sur mes pas pour voir Grenade. L'Alhambra me parut digne d'être regardée même après les temples de la Grèce. La vallée de Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à celle de Sparte. On conçoit que les morts regrettent un pareil pays. Itinéraire, 7e et dernière partie. Il est souvent fait allusion dans cette nouvelle à l'histoire des aigris et des abincérages. Cette histoire est si connue qu'il m'a semblé superflu d'en donner un précis dans cet avertissement. La nouvelle, d'ailleurs, contient les détails suffisants pour l'intelligence du texte. Les aventures du dernier abincérage. Lorsque Boabdil, dernier roi de Grenade, fut obligé d'abandonner le royaume de ses pères, il s'arrêta au sommet du mont Padoul. De ce lieu élevé, on découvrait la mer où l'infortuné monarque allait s'embarquer pour l'Afrique. On apercevait aussi Grenade, la Vega et le Xénil, au bord duquel s'élevaient les tentes de Ferdinand et d'Isabelle. À la vue de ce beau pays, et des cyprès qui marquaient encore çà et là les tombeaux des musulmans, Boabdil se prit à verser des larmes. La sultane Aïcha, sa mère, qui l'accompagnait dans son exil avec les grands qui composaient jadis sa cour, lui dit « Pleure maintenant comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Ils descendirent de la montagne et Grenade disparut à leurs yeux pour toujours. Les morts d'Espagne, qui partagèrent le sort de leur roi, se dispersèrent en Afrique. Les tribus des Aigris et des Gomelles s'établirent dans le royaume de Fès, dont elles tiraient leur origine. Les Vanegas et les Alabès s'arrêtèrent sur la côte, depuis Oran jusqu'à Alger. Enfin, les Abencérages se fixèrent dans les environs de Tunis. Ils formèrent, à la vue des ruines de Carthage, une colonie que l'on distingue encore aujourd'hui des morts d'Afrique par l'élégance de ses mœurs et la douceur de ses lois. Ces familles portèrent dans leur patrie nouvelle le souvenir de leur ancienne patrie. Le paradis de Grenade vivait toujours dans leur mémoire. les mères en redisaient le nom aux enfants qui suçaient encore la mamelle. Elles les berçaient avec les romances des aigris et des amincérages. Tous les saints jours, on priait dans la mosquée en se tournant vers Grenade. On invoquait Allah afin qu'il rendît à ses élus cette terre de délices. En vain, le pays des lotophages offrait aux exilés ses fruits, ses eaux, sa verdure, son brillant soleil. Loin des tours vermeilles. Note de l'auteur, il s'agit des tours d'un palais de Grenade. Il n'y avait ni fruits agréables, ni fontaines limpides, ni fraîche verdure, ni soleil digne d'être regardé. Si l'on montrait à quelques bannis les plaines de la Bagrada, ils secouaient la tête et s'écriaient en soupirant « Grenade !» Les amincérages surtout conservaient le plus tendre et le plus fidèle souvenir de la patrie. Ils avaient quitté avec un mortel regret le théâtre de leur gloire et les bords qu'ils firent si souvent retentir de ce cri d'armes « Honneur et amour !» Ne pouvant plus lever la lance dans les déserts, ni se couvrir du casque dans une colonie de laboureurs, ils s'étaient consacrés à l'étude des simples, profession estimée chez les Arabes, à l'égal du métier des armes. Ainsi, cette race de guerriers qui jadis faisait des blessures s'occupait maintenant de l'art de les guérir. En cela, elle avait retenu quelque chose de son premier génie, car les chevaliers pensaient souvent eux-mêmes les plaies de l'ennemi qu'ils avaient abattu. La cabane de cette famille, qui jadis eut des palais, n'était point placée dans le hameau des autres exilés, au pied de la montagne du Mamélif. Elle était bâtie parmi les débris même de Carthage, au bord de la mer, dans l'endroit où Saint Louis mourut sur la Sambre, et où l'on voit aujourd'hui un ermitage mahométan. Aux murailles de la cabane étaient attachés des boucliers de peau de lion, qui portaient empreinte sur un champ d'azur deux figures de sauvages, brisant une ville avec une massue. Autour de cette devise, on lisait ces mots « C'est peu de choses », armes et devises des amincérages. Des lances ornées de pennons blancs et bleus, des albournos, des casaques de satin tailladé étaient rangés auprès des boucliers et brillaient au milieu des cimetières et des poignards. On voyait encore suspendus çà et là des gantelets, des mors enrichis de pierreries, de larges étriers d'argent, de longues épées dont le fourreau avait été brodé par les mains des princesses, et des éperons d'or que les Iseux, les Genièvres, les Orianes chaussèrent jadis à de vaillants chevaliers. Sur des tables, au pied de ces trophées de la gloire, étaient posés des trophées d'une vie pacifique. C'étaient des plantes cueillies sur les sommets de l'Atlas et dans le désert de Zahara. Plusieurs même avaient été apportées de la plaine de Grenade. Les unes étaient propres à soulager les maux du corps, les autres devaient étendre leur pouvoir jusque sur les chagrins de l'âme. Les amincérages estimaient surtout celles qui servaient à calmer les vains regrets, à dissiper les folles illusions et ces espérances de bonheur toujours naissantes, toujours déçues. Malheureusement, ces simples avaient des vertus opposées, et souvent le parfum d'une fleur de la patrie était comme une espèce de poison pour les illustres bannis. 24 ans s'étaient écoulés depuis la prise de Grenade. Dans ce court espace de temps, 14 amincérages avaient péri par l'influence d'un nouveau climat, par les accidents d'une vie errante, et surtout par le chagrin qui mine sourdement les forces de l'homme. Un seul rejeton était l'espoir de cette maison fameuse. Aben Hamed portait le nom de cet amincérage qui fut accusé par les aigris d'avoir séduit la sultane Al-Faïma. Il réunissait en lui la beauté, la valeur, la courtoisie, la générosité de ses ancêtres, avec ce doux éclat et cette légère expression de tristesse que donne le malheur noblement supporté. Il n'avait que 22 ans lorsqu'il perdit son père. Il résolut alors de faire un pèlerinage au pays de ses aïeux afin de satisfaire aux besoins de son cœur et d'accomplir un dessein qu'il cacha soigneusement à sa mère. Il s'embarque à l'échelle de Tunis. Un vent favorable le conduit à Carthagène. Il descend du navire et prend aussitôt la route de Grenade. Il s'annonçait comme un médecin arabe qui venait herboriser parmi les rochers de la Sierra Nevada. Une mule paisible le portait lentement dans le pays où les abencérages volaient jadis sur de belliqueux coursiers. Un guide marchait en avant, conduisant deux autres mules ornées de sonnettes et de touffes de laine de diverses couleurs. Aben Hamet traversa les grandes bruyères et les bois de palmiers du royaume de Murcie. À la vieillesse de ces palmiers, il jugea qu'ils devaient avoir été plantés par ses pères, et son cœur fut pénétré de regrets. Là s'élevait une tour où veillait la sentinelle au temps de la guerre des Maures et des Chrétiens. Ici se montrait une ruine dont l'architecture annonçait une origine mauresque. Autre sujet de douleur pour l'abencérage. Il descendait de sa mule et, sous prétexte de chercher des plantes, il se cachait un moment dans ses débris pour donner un libre cours à ses larmes. Il reprenait ensuite sa route en rêvant au bruit des sonnettes de la caravane et au chant monotone de son guide. Celui-ci n'interrompait sa longue romance que pour encourager ses mules, en leur donnant le nom de belles et de valeureuses, ou pour les gourmander, en les appelant paresseuses et obstinées. Des troupeaux de moutons qu'un berger conduisait comme une armée dans des plaines jaunes et incultes, quelques voyageurs solitaires, loin de répandre la vie sur le chemin, ne servaient qu'à le faire paraître plus triste et plus désert. Ces voyageurs portaient tous une épée à la ceinture. Ils étaient enveloppés dans un manteau et un large chapeau rabattu leur couvrait à demi le visage. Ils saluaient en passant Aben Hamet, qui ne distinguait dans ce noble salut que le nom de Dieu, de Seigneur et de Chevalier. Le soir, à la Benta, l'abencérage prenait sa place au milieu des étrangers sans être importuné de leur curiosité indiscrète. On ne lui parlait point, on ne le questionnait point. Son turban, sa robe, ses armes n'excitaient aucun étonnement. Puisqu'Allah avait voulu que les Maures d'Espagne perdissent leur belle patrie, Aben Hamet ne pouvait s'empêcher d'en estimer les graves conquérants. Des émotions encore plus vives attendaient l'abencérage au terme de sa course. Grenade est bâtie au pied de la Sierra Nevada, sur deux hautes collines que sépare une profonde vallée. Les maisons, placées sur la pente des coteaux, dans l'enfoncement de la vallée, donnent à la ville l'air et la forme d'une grenade entrouverte, d'où lui est venu son nom. Deux rivières, le Xénil et le Douro, dont l'une roule des paillettes d'or et l'autre des sables d'argent, lavent le pied des collines, se réunissent et serpentent ensuite au milieu d'une plaine charmante appelée La Vega. Cette plaine, que domine Grenade, est couverte de vignes, de grenadiers, de figuiers, de mûriers, d'orangers. Elle est entourée par des montagnes d'une forme et d'une couleur admirables. Un ciel enchanté, un air pur et délicieux, porte dans l'âme une langueur secrète dont le voyageur qui ne fait que passer a même de la peine à se défendre. On sent que dans ce pays, les tendres passions auraient promptement étouffé les passions héroïques, si l'amour, pour être véritable, n'avait pas toujours besoin d'être accompagné de la gloire. Lorsque Aben Hamet découvrit le fait des premiers édifices de Grenade, le cœur lui battit avec tant de violence qu'il fut obligé d'arrêter sa mule. Il croisa les bras sur sa poitrine et, les yeux attachés sur la ville sacrée, il resta muet et immobile. Le guide s'arrêta à son tour et, comme tous les sentiments élevés sont aisément compris d'un Espagnol, il parut touché et devina que le mort revoyait son ancienne patrie. L'abencérage rompit enfin le silence. « Guide, s'écria-t-il, sois heureux, ne me cache point la vérité, car le calme régnait dans les flots le jour de ta naissance et la lune entrait dans son croissant. Quelles sont ces tours qui brillent comme des étoiles au-dessus d'une verte forêt ?»« C'est l'Alhambra, répond le guide. » « Et cet autre château sur cette autre colline ?» dit Aben Hamet. « C'est le généralif, » répliqua l'Espagnol. « Il y a dans ce château un jardin planté de myrtes où l'on prétend qu'Abencérage fut surpris avec la sultane Alfaïma. Plus loin, vous voyez l'Albaïzine, et plus près de nous, les tours vermeilles. Chaque mot du guide perçait le cœur d'Aben Hamet. Qu'il est cruel d'avoir recours à des étrangers pour apprendre à connaître les monuments de ses pères et de se faire raconter par des indifférents l'histoire de sa famille et de ses amis. Le guide, mettant fin aux réflexions d'Aben Hamet, s'écria « Marchons, Seigneur Mohor, marchons, Dieu l'a voulu. Prenez courage. François Ier n'est-il pas aujourd'hui même prisonnier dans notre Madrid? Dieu l'a voulu. » Il ôta son chapeau, fit un grand signe de croix et frappa ses mules. L'Abencerrage, pressant la sienne à son tour, s'écria « C'était écrit !» et ils descendirent vers Grenade. Note de l'auteur. C'était écrit, expression que les musulmans ont sans cesse à la bouche et qu'ils appliquent à la plupart des événements de la vie. Ils passèrent près du gros frêne, célèbre par le combat de Moussa et du grand maître de Calatrava, sous le dernier roi de Grenade. Ils firent le tour de la promenade à la Meïda et pénétrèrent dans la cité par la porte d'Elvire. Ils remontèrent le Rambla et arrivèrent bientôt sur une place qu'environnaient de toutes parts des maisons d'architecture mauresque. Un khan était ouvert sur cette place pour les Maures d'Afrique que le commerce de soie de la Vega attirait en foule à Grenade. Ce fut là que le guide conduisit Aben Hamet. L'Abencerrage était trop agité pour goûter un peu de repos dans sa nouvelle demeure. La patrie le tourmentait. Ne pouvant résister aux sentiments qui troublaient son cœur, il sortit au milieu de la nuit pour errer dans les rues de Grenade. Il essayait de reconnaître avec ses yeux ou ses mains quelques-uns des monuments que les vieillards lui avaient si souvent décrits. Peut-être que ce haut édifice, dont il entrevoyait les murs à travers les ténèbres, était autrefois la demeure des Abencerrages. Peut-être était-ce sur cette place solitaire que se donnaient ces fêtes qui portèrent la gloire de Grenade jusqu'aux nues. Là passaient les quadrilles superbement vêtues de brocarts. Là s'avançaient les galères chargées d'armes et de fleurs, les dragons qui lançaient des feux et qui recélaient dans leurs flancs d'illustres guerriers. Ingénieuse invention du plaisir et de la galanterie. Mais hélas, au lieu du son des anafins, du bruit des trompettes et des chants d'amour, un silence profond régnait autour d'Aben Hamet. Cette ville muette avait changé d'habitants et les vainqueurs reposaient sur la couche des vaincus. « Ils dorment donc, ces fiers Espagnols !» s'écriait le jeune mort indigné, « sous ces toits dont ils ont exilé mes aïeux. Et moi, Abencerrage, je veille, inconnu, solitaire, délaissé, à la porte du palais de mes pères. » Aben Hamet réfléchissait alors sur les destinées humaines, sur les vicissitudes de la fortune, sur la chute des empires, sur cette Grenade, enfin, surprise par ses ennemis au milieu des plaisirs et changeant tout à coup ses guirlandes de fleurs contre des chaînes. Il lui semblait voir ses citoyens abandonnant leur foyer en habits de fête, comme des convives qui, dans le désordre de leur parure, sont tout à coup chassés de la salle du festin par un incendie. Toutes ces images, toutes ces pensées se pressaient dans l'âme d'Aben Hamet. Plein de douleur et de regrets, il songeait surtout à exécuter le projet qu'il avait amené à Grenade. Le jour le surprit. L'Abencerrage s'était égaré. Il se trouvait loin du khan, dans un faubourg écarté de la ville. Tout dormait. Aucun bruit ne troublait le silence des rues. Les portes et les fenêtres des maisons étaient fermées. Seulement la voix du coq proclamait dans l'habitation du pauvre le retour des peines et des travaux. Après avoir erré longtemps sans pouvoir retrouver sa route, Aben Hamet entendit une porte s'ouvrir. Il vit sortir une jeune femme, vêtue à peu près comme ces reines gothiques sculptées sur les monuments de nos anciennes abbayes. Son corset noir, garni de jais, serrait sa taille élégante. Son jupon court, étroit et sans plis, découvrait une jambe fine et un pied charmant. Une mantille, également noire, était jetée sur sa tête. Elle tenait avec sa main gauche, cette mantille croisée et fermée comme une guimpe au-dessous de son menton, de sorte que l'on apercevait de tout son visage que ses grands yeux et sa bouche de rose. Une duègne accompagnait ses pas. Un page portait devant elle un livre d'église. Deux varlets, parés de ses couleurs, suivait à quelque distance la belle inconnue. Elle se rendait à la prière matinale que les tintements d'une cloche annonçaient dans un monastère voisin. Aben Hamed crut voir l'ange Israfil ou la plus jeune des houris. L'Espagnole, non moins surprise, regardait l'Abencerraj, dont le turban, la robe et les armes embellissaient encore la noble figure. Revenue de son premier étonnement, elle fit signe à l'étranger de s'approcher avec une grâce et une liberté particulières aux femmes de ce pays. « Seigneur mort, lui dit-elle, vous paraissez nouvellement arrivé à Grenade. Vous seriez-vous égaré ?»« Sultane des fleurs, répondit Aben Hamed, délice des yeux des hommes, ô esclave chrétienne, plus belle que les vierges de la Géorgie, tu l'as deviné. Je suis étranger dans cette ville, perdu au milieu de ces palais, je n'ai pu retrouver le camp des morts. Que Mahomet touche ton cœur et récompense ton hospitalité. » Les morts sont renommés pour leur galanterie, reprit l'Espagnol avec le plus doux sourire. Mais je ne suis ni sultane des fleurs, ni esclave, ni contente d'être recommandée à Mahomet. Suivez-moi, seigneur chevalier, je vais vous reconduire au Khan des morts. Elle marcha légèrement devant l'Abencerraj, le mena jusqu'à la porte du Khan, le lui montra de la main, passa derrière un palais et disparut. À quoi tient donc le repos de la vie? La patrie n'occupe plus seule et tout entière l'âme d'Aben Hamed. Grenade a cessé d'être pour lui déserte, abandonnée, veuve, solitaire. Elle est plus chère que jamais à son cœur, mais c'est un prestige nouveau qui embellit ses ruines. Au souvenir des aïeux se mêle à présent un autre charme. Aben Hamed a découvert le cimetière où reposent les cendres des Abencerraj, mais en priant, mais en se prosternant, mais en versant des larmes filiales, il songe que la jeune Espagnole a passé quelquefois sur ses tombeaux, et il ne trouve plus ses ancêtres si malheureux. C'est en vain qu'il ne veut s'occuper que de son pèlerinage au pays de ses pères. C'est en vain qu'il parcourt les coteaux du Dour et du Xénil pour y cueillir des plantes au lever de l'aurore. La fleur qu'il cherche maintenant, c'est la belle chrétienne. Que d'inutiles efforts il a déjà tenté pour retrouver le palais de son enchanteresse. Que de fois il a essayé de repasser par les chemins que lui fit parcourir son divin guide. Que de fois il a cru reconnaître le son de cette cloche, le chant de ce coq qu'il entendit près de la demeure de l'Espagnol. Trompé par des bruits pareils, il court aussitôt de ce côté, et le palais magique ne s'offre point à ses regards. Souvent encore, le vêtement uniforme des femmes de Grenade lui donnait un moment d'espoir. De loin, toutes les chrétiennes ressemblaient à la maîtresse de son cœur. De près, pas une n'avait sa beauté ou sa grâce. Aben Hamed avait enfin parcouru les églises pour découvrir l'étrangère. Il avait même pénétré jusqu'à la tombe de Ferdinand et d'Isabelle. Mais c'était aussi le plus grand sacrifice qu'il eût jusqu'alors fait à l'amour. Un jour, il herborisait dans la vallée du Douro. Le coteau du Midi soutenait sur sa pente fleurie les murailles de l'Alhambra et les jardins du Généralife. La colline du Nord était décorée par l'Albaïzine, par de riants vergers et par des grottes qu'habitait un peuple nombreux. À l'extrémité occidentale de la vallée, on découvrait les clochers de Grenade qui s'élevaient en groupe du milieu des chênes verts et des cyprès. À l'autre extrémité, vers l'Orient, l'œil rencontrait sur des pointes de rochers, des couvents, des ermitages, quelques ruines de l'ancienne île Libérie et, dans le lointain, les sommets de la Sierra Nevada. Le Douro roulait au milieu du vallon et présentait le long de son cours de frais moulins, de bruyantes cascades, les arches brisées d'un aqueduc romain et les restes d'un pont du temps des morts. Aben Hamed n'était plus ni assez infortuné, ni assez heureux pour bien goûter le charme de la solitude. Il parcourait avec distraction et indifférence ces bords enchantés. En marchant à l'aventure, il suivit une allée d'arbres qui circulait sur la pente du coteau de l'Albaïzine. Une maison de campagne, environnée d'un bocage d'orangers, s'offrit bientôt à ses yeux. En approchant du bocage, il entendit les sons d'une voix et d'une guitare. Entre la voix, les traits et les regards d'une femme, il y a des rapports qui ne trompent jamais un homme que l'amour possède. « C'est Maouri, dit Ben Hamed, et il écoute, le cœur palpitant. au nom des Abencerrages plusieurs fois répétés, son cœur bat encore plus vite. L'inconnu chantait une romance castillane qui retraçait l'histoire des Abencerrages et des Aigris. Aben Hamed ne peut plus résister à son émotion. Il s'élance à travers une haie de myrtes et tombe au milieu d'une troupe de jeunes femmes effrayées qui fuient en poussant des cris. L'Espagnol qui venait de chanter et qui tenait encore la guitare s'écrie « C'est le Seigneur mort !» et elle rappelle ses compagnes. « Favorite des génies, » dit la Abencerrage, « je te cherchais comme l'arabe cherche une source dans l'ardeur du midi. J'ai entendu les sons de ta guitare, tu célébrais les héros de mon pays. Je t'ai deviné à la beauté de tes accents et j'apporte à tes pieds le cœur d'Aben Hamed. » « Et moi, répondit Doña Blanca, c'était en pensant à vous que je redisais la romance des Abencerrages. Depuis que je vous ai vu, je me suis figuré que ces chevaliers morts vous ressemblaient. » Une légère rougeur monta au front de Blanca en prononçant ces mots. Aben Hamed se sentit prêt à tomber aux genoux de la jeune chrétienne, à lui déclarer qu'il était le dernier Abencerrage. Mais un reste de prudence le retint. Il craignit que son nom, trop fameux à Grenade, ne donna des inquiétudes au gouverneur. La guerre des Morisques était à peine terminée, et la présence d'un Abencerrage dans ce moment pouvait inspirer aux Espagnols de justes craintes. Ce n'est pas qu'Aben Hamed s'effraya d'aucun péril, mais il frémissait à la pensée d'être obligé de s'éloigner pour jamais de la fille de Don Rodrigue. Doña Blanca descendait d'une famille qui tirait son origine du Cid de Bivar et de Chimène, fille du comte Gomez de Gormaz. La postérité du vainqueur de Valence la Belle tomba, par l'ingratitude de la cour de Castille, dans une extrême pauvreté. On crut même pendant plusieurs siècles qu'elle s'était éteinte, tant elle devint obscure. Mais vers le temps de la conquête de Grenade, un dernier rejeton de la race des Bivars, l'aïeul de Blanca, se fit reconnaître, moins encore à ses titres qu'à l'éclat de sa valeur. Après l'expulsion des infidèles, Ferdinand donna aux descendants du Cid les biens de plusieurs familles mortes et le créa duc de Santa Fe. Le nouveau duc fixa sa demeure à Grenade et mourut, jeune encore, laissant un fils unique déjà marié, Don Rodrigue, père de Blanca. Doña Teresa de Xérez, femme de Don Rodrigue, mit au jour un fils qui reçut à sa naissance le nom de Rodrigue, comme tous ses aïeux, mais que l'on appela Don Carlos pour le distinguer de son père. Les grands événements que Don Carlos eut sous les yeux dès sa plus tendre jeunesse, les périls auxquels il fut exposé presque au sortir de l'enfance, ne firent que rendre plus grave et plus rigide un caractère naturellement porté à l'austérité. Don Carlos comptait à peine 14 ans lorsqu'il suivit Cortés au Mexique. Il avait supporté tous les dangers. Il avait été témoin de toutes les horreurs de cette étonnante aventure. Il avait assisté à la chute du dernier roi d'un monde jusqu'alors inconnu. 3 ans après cette catastrophe, Don Carlos s'était trouvé en Europe à la bataille de Pavie, comme pour voir l'honneur et la vaillance couronnés succomber sous les coups de la fortune. L'aspect d'un nouvel univers, de longs voyages sur des mers non encore parcourues, le spectacle des révolutions et des vicissitudes du sort avait fortement ébranlé l'imagination religieuse et mélancolique de Don Carlos. Il était entré dans l'ordre chevaleresque de Calatrava et, renonçant au mariage malgré les prières de Don Rodrigue, il destinait tous ses biens à sa sœur. Blanca de Bivar, sœur unique de Don Carlos et beaucoup plus jeune que lui, était l'idole de son père. Elle avait perdu sa mère et elle entrait dans sa 18e année lorsque Aben Hamed parut à Grenade. Tout était séduction dans cette femme enchanteresse. Sa voix était ravissante, sa danse plus légère que le zéphyr. Tantôt, elle se plaisait à guider un char comme Armide. Tantôt, elle volait sur le dos du plus rapide coursier de l'Andalousie, comme ces fées charmantes qui apparaissaient à Tristan et à Galaor dans les forêts. Athènes l'eut prise pour Aspasie et Paris pour Diane de Poitiers qui commençait à briller à la cour. Mais avec les charmes d'une Française, elle avait les passions d'une Espagnole et sa coquetterie naturelle n'ôtait rien à la sûreté, à la constance, à la force, à l'élévation des sentiments de son cœur. au cri qu'avaient poussé les jeunes Espagnols lorsque Abenhamet s'était élancé dans le bocage, Don Rodrigue était accouru. « Mon père, dit Blanc, voici le seigneur mort dont je vous ai parlé. Il m'a entendu chanter, il m'a reconnu. Il est entré dans le jardin pour me remercier de lui avoir enseigné sa route. » Le duc de Santa Fe reçut l'abencerrage avec la politesse grave et pourtant naïve des Espagnols. On ne remarque chez cette nation aucun de ces airs serviles, aucun de ces tours de phrases qui annoncent l'abjection des pensées et la dégradation de l'âme. La langue du grand seigneur et du paysan est la même, le salut le même, les compliments, les habitudes, les usages sont les mêmes. Autant la confiance et la générosité de ce peuple envers les étrangers sont sans bornes, autant sa vengeance est terrible quand on le trahit. D'un courage héroïque, d'une patience à toute épreuve, incapable de céder à la mauvaise fortune, il faut qu'il la dompte ou qu'il en soit écrasé. Il a peu de ce qu'on appelle esprit, mais les passions exaltées lui tiennent lieu de cette lumière qui vient de la finesse et de l'abondance des idées. Un Espagnol qui passe le jour sans parler, qui n'a rien vu, qui ne se soucie de rien voir, qui n'a rien lu, rien étudié, rien comparé, trouvera dans la grandeur de ses résolutions les ressources nécessaires au moment de l'adversité. C'était le jour de la naissance de Don Rodrigue, et Blanca donnait à son père une tertulia, ou petite fête, dans cette charmante solitude. Le duc de Santa Fe invita Abenhamet à s'asseoir au milieu des jeunes femmes, qui s'amusaient du turban et de la robe de l'étranger. On apporta des carreaux de velours, et l'abencerrage se reposa sur ces carreaux à la façon des morts. On lui fit des questions sur son pays et sur ses aventures. Il y répondit avec esprit et gaieté. Il parlait le castillan le plus pur. On aurait pu le prendre pour un Espagnol, s'il n'eût presque toujours dit « toi » au lieu de « vous ». Ce mot avait quelque chose de si doux dans sa bouche que Blanca ne pouvait se défendre d'un secret dépit lorsqu'il s'adressait à l'une de ses compagnes. De nombreux serviteurs parurent. Ils portaient le chocolat, les pâtes de fruits et les petits pains de sucre de Malaga, blancs comme la neige, poreux et légers comme des éponges. Après le refresco, on pria Blanca d'exécuter une de ses danses de caractère où elle surpassait les plus habiles gitanes. Elle fut obligée de céder aux vœux de ses amis. Abenhamet avait gardé le silence, mais ses regards suppliants parlaient au défaut de sa bouche. Blanca choisit une zambra, danse expressive que les Espagnols ont empruntée des morts. Une des jeunes femmes commence à jouer sur la guitare l'air de la danse étrangère. La fille de Don Rodrigue ôte son voile et attache à ses mains blanches des castagnettes de bois d'ébène. Ses cheveux noirs tombent en boucle sur son cou d'albâtre. Sa bouche et ses yeux sourient de concert. Son teint est animé par le mouvement de son cœur. Tout à coup, elle fait retentir le bruyant ébène, frappe trois fois la mesure, entonne le chant de la zambra et, mêlant sa voix au son de la guitare, elle part comme un éclair. Quelle variété dans ses pas! Quelle élégance dans ses attitudes! Tantôt elle lève ses bras avec vivacité, tantôt elle les laisse retomber avec mollesse. Quelquefois, elle s'élance comme enivrée de plaisir et se retire comme accablée de douleur. Elle tourne la tête, semble appeler quelqu'un d'invisible, tend modestement une joue vermeille au baiser d'un nouvel époux, fuit honteuse, revient brillante et consolée, marche d'un pas noble et presque guerrier, puis voltige de nouveau sur le gazon. L'harmonie de ses pas, de ses chants et des sons de sa guitare était parfaite. La voix de Blanca, légèrement voilée, avait cette sorte d'accent qui remue les passions jusqu'au fond de l'âme. La musique espagnole, composée de soupirs, de mouvements vifs, de refrains tristes, de chants subitement arrêtés, offre un singulier mélange de gaieté et de mélancolie. Cette musique et cette danse fixèrent sans retour le destin du dernier abencerrage. Elles auraient suffi pour troubler un cœur moins malade que le sien. On retourna le soir à Grenade par la vallée du Douro. Don Rodrigue, charmé des manières nobles et polies d'Abenhamet, ne voulut point se séparer de lui, qu'il ne lui eût promis de venir souvent amuser Blanca des merveilleux récits de l'Orient. Le mort, au comble de ses vœux, accepta l'invitation du duc de Santa Fe. et dès le lendemain, il se rendit au palais où respirait celle qu'il aimait plus que la lumière du jour. Blanca se trouva bientôt engagée dans une passion profonde par l'impossibilité même où elle crut être d'éprouver jamais cette passion. Aimer un infidèle, un mort, un inconnu, lui paraissait une chose si étrange qu'elle ne prit aucune précaution contre le mal qui commençait à se glisser dans ses veines. Mais aussitôt qu'elle en reconnut les atteintes, elle accepta ce mal en véritable espagnole. Les périls et les chagrins qu'elle prévit ne la firent point reculer au bord de l'abîme, ni délibérer longtemps avec son cœur. Elle se dit « qu'Abenhamet soit chrétien, qu'il m'aime, et je le suis au bout de la terre ». La Benserrage ressentait de son côté toute la puissance d'une passion irrésistible. Il ne vivait plus que pour Blanca. Il ne s'occupait plus des projets qu'il avait amenés à Grenade. Il lui était facile d'obtenir les éclaircissements qu'il était venu chercher, mais tout autre intérêt que celui de son amour s'était évanoui à ses yeux. Il redoutait même des lumières qui auraient pu apporter des changements dans sa vie. Il ne demandait rien, il ne voulait rien connaître. Il se disait « Que Blanca soit musulmane, qu'elle m'aime, et je la sers jusqu'à mon dernier soupir. » Abenhamet et Blanca, ainsi fixés dans leur résolution, n'attendaient que le moment de se découvrir leurs sentiments. On était alors dans les plus beaux jours de l'année. « Vous n'avez point encore vu l'Alhambra, » dit la fille du duc de Santa Fe à la Benserrage. « Si j'en crois quelques paroles qui vous sont échappées, votre famille est originaire de Grenade. Peut-être serez-vous bien aise de visiter le palais de vos anciens rois. Je veux moi-même ce soir vous servir de guide. » Abenhamet jura par le prophète que jamais promenade ne pouvait lui être plus agréable. L'heure fixée pour le pèlerinage à l'Alhambra étant arrivée, la fille de Don Rodrigue monta sur une hackenée blanche accoutumée à gravir les rochers comme un chevreuil. Abenhamet accompagnait la brillante espagnole sur un cheval andalou équipé à la manière des Turcs. Dans la course rapide du jeune mort, sa robe de pourpre s'enflait derrière lui, son sabre recourbé retentissait sur la selle élevée et le vent agitait les grettes dont son turban était surmonté. Le peuple, charmé de sa bonne grâce, disait en le regardant passer « C'est un prince infidèle que Doña Blanca va convertir ». Ils suivirent d'abord une longue rue qui portait encore le nom d'une illustre famille mort. Cette rue aboutissait à l'enceinte extérieure de l'Alhambra. Ils traversèrent ensuite un bois d'ormeaux, arrivèrent à une fontaine et se trouvèrent bientôt devant l'enceinte intérieure du palais de Boabdil. Dans une muraille flanquée de tours et surmontée de créneaux, s'ouvrait une porte appelée la porte du jugement. Ils franchirent cette première porte et s'avancèrent par un chemin étroit qui serpentait entre de hauts murs et des masures à demi ruinées. Ce chemin les conduisit à la place des Algibes, près de laquelle Charles Quint faisait alors élever un palais. De là, tournant vers le nord, ils s'arrêtèrent dans une cour déserte, au pied d'un mur sans ornement et dégradé par les âges. Abenhamet, sautant légèrement à terre, offrit la main à Blanca pour descendre de sa mule. Les serviteurs frappèrent à une porte abandonnée dont l'herbe cachait le seuil. La porte s'ouvrit et laissa voir tout à coup les réduits secrets de l'Alhambra. Tous les charmes, tous les regrets de la patrie, mêlés au prestige de l'amour, saisirent le cœur du dernier Abencerrage. Immobile et muet, il plongeait des regards étonnés dans cette habitation des génies. Il croyait être transporté à l'entrée d'un de ces palais dont on lit la description dans les contes arabes. De légères galeries, des canaux de marbre blanc bordés de citronniers et d'orangers en fleurs, des fontaines, des cours solitaires s'offraient de toutes parts aux yeux d'Abenhamet et, à travers les voûtes allongées des portiques, il apercevait d'autres labyrinthes et de nouveaux enchantements. L'azur du plus beau ciel se montrait entre des colonnes qui soutenaient une chaîne d'arceaux gothiques. Les murs, chargés d'arabesques, imitaient à la vue ces étoffes de l'Orient que brode dans l'ennui du harem le caprice d'une femme esclave. Quelque chose de voluptueux, de religieux et de guerrier semblait respirer dans ce magique édifice. Espèce de cloître de l'amour, retraite mystérieuse où les rois morts goûtaient tous les plaisirs et oubliaient tous les devoirs de la vie. Après quelques instants de surprise et de silence, les deux amants entrèrent dans ce séjour de la puissance évanouie et des félicités passées. Ils firent d'abord le tour de la salle des Mezukar, au milieu du parfum des fleurs et de la fraîcheur des eaux. Ils pénétrèrent ensuite dans la cour des lions. L'émotion d'Aben Hamed augmentait à chaque pas. « Si tu ne remplissais mon âme de délices, dit-il à Blanca, avec quel chagrin me verrais-je obligé de te demander, à toi, Espagnol, l'histoire de ces demeures ?»« Ah, ces lieux sont faits pour servir de retraite au bonheur, et moi... » Aben Hamed aperçut le nom de Boabdil enchâssé dans des mosaïques. « Ô mon roi, s'écria-t-il, qu'es-tu devenu? Où te trouverais-je dans ton Alhambra désert ?» Et les larmes de la fidélité, de la loyauté et de l'honneur couvraient les yeux du jeune mort. « Vos anciens maîtres, dit Blanca, ou plutôt les rois de vos pères, étaient des ingrats. Qu'importe, repartit la Benserrage, ils ont été malheureux. » Comme il prononçait ces mots, Blanca le conduisit dans un cabinet qui semblait être le sanctuaire même du temple de l'amour. Rien n'égalait l'élégance de cet asile. La voûte entière, peinte d'azur et d'or, et composée d'arabesques découpées à jour, laissait passer la lumière comme à travers un tissu de fleurs. Une fontaine jaillissait au milieu de l'édifice, et ses eaux, retombant en rosée, étaient recueillies dans une conque d'albâtre. « Aben Hamed, dit la fille du duc de Santa Fe, regardez bien cette fontaine. » Elle reçut les têtes défigurées des Abencerrage. « Vous voyez encore sur le marbre la tache du sang des infortunés que Boabdil sacrifia à ses soupçons. C'est ainsi qu'on traite dans votre pays les hommes qui séduisent les femmes crédules. » Aben Hamed n'écoutait plus Blanca. Il s'était prosterné et baisait avec respect la trace du sang de ses ancêtres. Il se relève et s'écrie. « Ô Blanca, je jure par le sang de ces chevaliers de t'aimer avec la constance, la fidélité et l'ardeur d'un Abencerrage. » Vous m'aimez donc ? Repartit Blanca en joignant ses deux belles mains et levant ses regards au ciel. Mais songez-vous que vous êtes un infidèle, un mort, un ennemi, et que je suis chrétienne et espagnole. Ô saint prophète, dit Aben Hamed, soyez témoin de mes serments. Blanca l'interrompant. Quelle foi voulez-vous que j'ajoute au serment d'un persécuteur de mon Dieu? Savez-vous si je vous aime? Qui vous a donné l'assurance de me tenir un pareil langage? Aben Hamed, consterné, répondit. Il est vrai, je ne suis que ton esclave. Tu ne m'as pas choisi pour ton chevalier. Mort, dit Blanca, laisse-la la ruse. Tu as vu dans mes regards que je t'aimais. Ma folie pour toi passe toute mesure. Sois chrétien et rien ne pourra m'empêcher d'être à toi. Mais si la fille du duc de Santa Fe ose te parler avec cette franchise, tu peux juger par cela même qu'elle saura se vaincre et que jamais un ennemi des chrétiens n'aura aucun droit sur elle. » Aben Hamed, dans un transport de passion, saisit les mains de Blanca, les posa sur son turban et ensuite sur son cœur. « Allah est puissant, s'écria-t-il, et Aben Hamed est heureux. Ô Mahomet, que cette chrétienne connaisse ta loi et rien ne pourra... « Tu blasphèmes, dit Blanca, sortons d'ici. » Elle s'appuya sur le bras du mort et s'approcha de la fontaine des 12 lions qui donne son nom à l'une des cours de l'Alhambra. « Étranger, dit la naïve espagnole, quand je regarde ta robe, ton turban, tes armes et que je songe à nos amours, je crois voir l'ombre du bel Abencerrage se promenant dans cette retraite abandonnée avec l'infortunée Alfaïma. Explique-moi l'inscription arabe gravé sur le marbre de cette fontaine. » Aben Hamed lut ces mots. La belle princesse qui se promène couverte de perles dans son jardin en augmente si prodigieusement la beauté, le reste de l'inscription était effacé. Note de l'auteur, cette inscription existe avec quelques autres. Il est inutile de répéter que j'ai fait cette description de l'Alhambra sur les lieux mêmes. « C'est pour toi qu'elle a été faite, cette inscription, » dit Aben Hamed. « Sultan aimé, ces palais n'ont jamais été aussi beaux dans leur jeunesse qu'ils le sont aujourd'hui dans leurs ruines. Écoute le bruit des fontaines dont la mousse a détourné les eaux. Regarde les jardins qui se montrent à travers ces arcades à demi tombées. Contemple l'astre du jour qui se couche par-delà tous ces portiques. Qu'il est doux d'errer avec toi dans ces lieux. Tes paroles embaument ces retraites, comme les roses de l'Yémen. Avec quel charme je reconnais dans ton langage quelques accents de la langue de mes pères. Le seul frémissement de ta robe sur ces marbres me fait tressaillir. L'air n'est parfumé que parce qu'il a touché ta chevelure. Tu es belle comme le génie de ma patrie au milieu de ces débris. Mais Aben Hamed peut-il espérer de fixer ton cœur? Qu'est-il auprès de toi? Il a parcouru les montagnes avec son père, il connaît les plantes du désert. Hélas, il n'en est pas une seule qui pût le guérir de la blessure que tu lui as faite. Il porte des armes, mais il n'est point chevalier. Je me disais autrefois, l'eau de la mer qui dort à l'abri dans le creux du rocher est tranquille et muette, tandis que tout auprès, la grande mer est agitée et bruyante. Aben Hamed, ainsi sera ta vie, silencieuse, paisible, ignorée dans un coin de terre inconnue, tandis que la cour du sultan est bouleversée par les orages. Je me disais cela, jeune chrétienne, et tu m'as prouvé que la tempête peut aussi troubler la goutte d'eau dans le creux du rocher. Blanca écoutait avec ravissement ce langage nouveau pour elle et dont le tour oriental semblait si bien convenir à la demeure des fées qu'elle parcourait avec son amant. L'amour pénétrait dans son cœur de toutes parts. Elle sentait chanceler ses genoux. Elle était obligée de s'appuyer plus fortement sur le bras de son guide. Aben Hamed soutenait le doux fardeau et répétait en marchant « Ah, que ne suis-je un brillant Aben Serraj !»« Tu me plairais moins, dit Blanca, car je serais plus tourmentée. Reste obscure et vis pour moi. » Souvent, un chevalier célèbre oublie l'amour pour la renommée. « Tu n'aurais pas ce danger à craindre, » répliqua vivement Aben Hamed. « Et comment m'aimerais-tu donc si tu étais un Aben Serraj ?» dit la descendante de Chimène. « Je t'aimerais, » répondit le mort, « plus que la gloire et moins que l'honneur. » Le soleil était descendu sous l'horizon pendant la promenade des deux amants. Ils avaient parcouru tout l'Alhambra. Quels souvenirs offerts à la pensée d'Aben Hamed ! Ici, la sultane recevait par des soupiraux la fumée des parfums qu'on brûlait au-dessous d'elle. Là, dans cet asile écarté, elle se parait de tous les atours de l'Orient. Et c'était Blanca, c'était une femme adorée qui racontait ces détails au beau jeune homme qu'elle idolâtrait. La lune, en se levant, répandit sa clarté douteuse dans les sanctuaires abandonnés et dans les parvis déserts de l'Alhambra. Ses blancs rayons dessinaient sur le gazon des parterres, sur les murs des salles, la dentelle d'une architecture aérienne, les cintres des cloîtres, l'ombre mobile des eaux jaillissantes et celle des arbustes balancés par le zéphyr. Le rossignol chantait dans un cyprès qui perçait les dômes d'une mosquée en ruine et les échos répétaient ses plaintes. Aben Hamed écrivit, au clair de la lune, le nom de Blanca sur le marbre de la salle des deux sœurs. Il traça ce nom en caractères arabes afin que le voyageur eut un mystère de plus à deviner dans ce palais des mystères. « Mort, ces jeux sont cruels, » dit Blanca. « Quittons ces lieux. Le destin de ma vie est fixé pour jamais. Retiens bien ces mots. Musulman, je suis ton amante sans espoir. Chrétien, je suis ton épouse fortunée. » Aben Hamed répondit. « Chrétienne, je suis ton esclave désolée. Musulmane, je suis ton époux glorieux. » Et ses nobles amants sortirent de ce dangereux palais. La passion de Blanca s'augmenta de jour en jour, et celle d'Aben Hamed s'accrut avec la même violence. Il était si enchanté d'être aimé pour lui seul, de ne devoir à aucune cause étrangère les sentiments qu'il inspirait, qu'il ne révéla point le secret de sa naissance à la fille du duc de Santa Fe. Il se faisait un plaisir délicat de lui apprendre qu'il portait un nom illustre le jour même où elle consentirait à lui donner sa main. Mais il fut tout à coup rappelé à Tunis. Sa mère, atteinte d'un mal sans remède, voulait embrasser son fils et le bénir avant d'abandonner la vie. Aben Hamed se présente au palais de Blanca. « Sultane, lui dit-il, ma mère va mourir. Elle me demande pour lui fermer les yeux. Me conserveras-tu ton amour ?» Tu me quittes ? Répondit Blanca pâlissante. Te reverrai-je jamais ? Viens, dit Abenhamed. Je veux exiger de toi un serment et t'en faire un que la mort seule pourra briser. Suis-moi. Ils sortent. Ils arrivent à un cimetière qui fut jadis celui des morts. On voyait encore, çà et là, de petites colonnes funèbres autour desquelles le sculpteur figura jadis un turban. Mais les chrétiens avaient, depuis, remplacé ce turban par une croix. Abenhamed conduisit Blanca au pied de ces colonnes. « Blanca, dit-il, mes ancêtres reposent ici. Je jure par leurs cendres de t'aimer jusqu'au jour où l'ange du jugement m'appellera au tribunal d'Allah. Je te promets de ne jamais engager mon cœur à une autre femme et de te prendre pour épouse aussitôt que tu connaîtras la sainte lumière du prophète. Chaque année, à cette époque, je reviendrai à Grenade pour voir si tu m'as gardé ta foi et si tu veux renoncer à tes erreurs. Et moi, dit Blanca en larmes, je t'attendrai tous les ans. Je te conserverai jusqu'à mon dernier soupir la foi que je t'ai jurée. Et je te recevrai pour époux lorsque le Dieu des chrétiens, plus puissant que ton amante, aura touché ton cœur infidèle. Abenhamed part. Les vents l'emportent aux bords africains. Sa mère venait d'expirer. Il la pleure. Il embrasse son cercueil. Les mois s'écoulent. Tantôt errant parmi les ruines de Carthage, tantôt assis sur le tombeau de Saint-Louis, l'Abencerrage exilé appelle le jour qui doit le ramener à Grenade. Ce jour se lève enfin. Abenhamed monte sur un vaisseau et fait tourner la proue vers Malaga. Avec quel transport, avec quelle joie mêlée de crainte, il aperçut les premiers promontoires de l'Espagne. Blanca l'attend-elle sur ses bords? Se souvient-elle encore d'un pauvre arabe qui ne cessa de l'adorer sous le palmier du désert? La fille du duc de Santa Fe n'était point infidèle à ses serments. Elle avait prié son père de la conduire à Malaga. Du haut des montagnes qui bordaient la côte inhabitée, elle suivait des yeux les vaisseaux lointains et les voiles fugitives. Pendant la tempête, elle contemplait avec effroi la mer soulevée par les vents. Elle aimait alors à se perdre dans les nuages, à s'exposer dans les passages dangereux, à se sentir baignée par les mêmes vagues, enlevée par le même tourbillon qui menaçait les jours d'Abenhamed. Quand elle voyait la mouette plaintive raser les flots avec ses grandes ailes recourbées et voler vers les rivages de l'Afrique, elle la chargeait de toutes ses paroles d'amour, de tous ses vœux insensés qui sortent d'un cœur que la passion dévore. Un jour qu'elle errait sur les grèves, elle aperçut une longue barque dont la proue élevée, le mât penché et la voile latine annonçaient l'élégant génie des morts. Blanca court au port et voit bientôt entrer le vaisseau barbaresque qui faisait écumer l'onde sous la rapidité de sa course. Un mort, couvert de superbes habits, se tenait debout sur la proue. Derrière lui, deux esclaves noirs arrêtaient par le frein un cheval arabe dont les naseaux fumants et les crins épars annonçaient à la fois son naturel ardent et la frayeur que lui inspirait le bruit des vagues. La barque arrive, abaisse ses voiles, touche au môle, présente le flanc. Le mort s'élance sur la rive qui retentit du son de ses armes. Les esclaves font sortir le coursier tigré comme un léopard qui hennit et bondit de joie en retrouvant la terre. D'autres esclaves descendent doucement une corbeille où reposait une gazelle couchée parmi des feuilles de palmier. Ses jambes fines étaient attachées et ployées sous elles de peur qu'elles ne se fussent brisées dans les mouvements du vaisseau. Elle portait un collier de grains d'aloès, et sur une plaque d'or qui servait à rejoindre les deux bouts du collier, étaient gravés en arabe un nom et un talisman. Blanca reconnaît Abenhamed. Elle n'ose se trahir aux yeux de la foule. Elle se retire et envoie Dorothée, une de ses femmes, avertir l'Abencerrage qu'elle l'attend au palais des morts. Abenhamed présentait dans ce moment au gouverneur son firmant écrit en lettres d'azur sur un vélin précieux et renfermé dans un fourreau de soie. Dorothée s'approche et conduit l'heureux Abencerrage au pied de Blanca. Quel transport en se retrouvant tous deux fidèles! Quel bonheur de se revoir après avoir été si longtemps séparés! Quel nouveau serment de s'aimer toujours! les deux esclaves noirs amènent le cheval numide, qui, au lieu de selle, n'avait sur le dos qu'une peau de lion, rattachée par une zone de pourpre. On apporte ensuite la gazelle. « Sultane, » dit Aben Hamet, « c'est un chevreuil de mon pays, presque aussi léger que toi. » Blanca détache elle-même l'animal charmant qui semblait la remercier en jetant sur elle les regards les plus doux. Pendant l'absence de la Benserrage, la fille du duc de Santa Fe avait étudié l'arabe. Elle lut, avec des yeux attendris, son propre nom sur le collier de la gazelle. Celle-ci, rendue à la liberté, se soutenait à peine sur ses pieds, si longtemps enchaînés. Elle se couchait à terre et appuyait sa tête sur les genoux de sa maîtresse. Blanca lui présentait des dattes nouvelles et caressait cette chevrette du désert dont la peau fine avait retenu l'odeur du bois d'aloès et de la rose de Tunis. La Benserrage, le duc de Santa Fe et sa fille partirent ensemble pour Grenade. Les jours du couple heureux s'écoulèrent comme ceux de l'année précédente. Même promenade, même regret à la vue de la patrie, même amour, ou plutôt amour toujours croissant, toujours partagé. Mais aussi même attachement dans les deux amants à la religion de leur père. « Sois chrétien, » disait Blanca. « Sois musulmane, » disait Aben Hamet. Et ils se séparèrent encore une fois, sans avoir succombé à la passion qui les entraînait l'un vers l'autre. Aben Hamet reparut la troisième année, comme ces oiseaux voyageurs que l'amour ramène au printemps dans nos climats. Il ne trouva point Blanca au rivage, mais une lettre de cette femme adorée apprit au fidèle arabe le départ du duc de Santa Fe pour Madrid et l'arrivée de Don Carlos à Grenade. Don Carlos était accompagné d'un prisonnier français, ami du frère de Blanca. Le mort sentit son cœur se serrer à la lecture de cette lettre. Il partit de Malaga pour Grenade avec les plus tristes pressentiments. Les montagnes lui parurent d'une solitude effrayante et il tourna plusieurs fois la tête pour regarder la mer qu'il venait de traverser. Blanca, pendant l'absence de son père, n'avait pu quitter un frère qu'elle aimait, un frère qui voulait en sa faveur se dépouiller de tous ses biens et qu'elle revoyait après 7 années d'absence. Don Carlos avait tout le courage et toute la fierté de sa nation. Terrible comme les conquérants du Nouveau Monde, parmi lesquels il avait fait ses premières armes. Religieux comme les chevaliers espagnols vainqueurs des morts, il nourrissait dans son cœur contre les infidèles la haine qu'il avait héritée du sang du Cid. Thomas de Lautrec, de l'illustre maison de Foix, où la beauté dans les femmes et la valeur dans les hommes passaient pour un don héréditaire, était frère cadet de la comtesse de Foix et du brave et malheureux Odet de Foix, seigneur de Lautrec. À l'âge de 18 ans, Thomas avait été armé chevalier par Bayard dans cette retraite qui coûta la vie au chevalier sans peur et sans reproche. Quelque temps après, Thomas fut percé de coups et fait prisonnier à Pavie en défendant le roi chevalier qui perdit tout alors fort l'honneur. Don Carlos de Bivar, témoin de la vaillance de Lautrec, avait fait prendre soin des blessures du jeune Français, et bientôt il s'établit entre eux une de ces amitiés héroïques dont l'estime et la vertu sont les fondements. François Ier était retourné en France, mais Charles Quint retint les autres prisonniers. Lautrec avait eu l'honneur de partager la captivité de son roi et de coucher à ses pieds dans la prison. Resté en Espagne après le départ du monarque, il avait été remis sur sa parole à Don Carlos, qui venait de l'amener à Grenade. Lorsque Aben Hamet se présenta au palais de Don Rodrigue et fut introduit dans la salle où se trouvait la fille du duc de Santa Fe, il sentit des tourments jusqu'alors inconnus pour lui. Au pied de Doña Blanca était assis un jeune homme qui la regardait en silence dans une espèce de ravissement. Ce jeune homme portait un haut de chausses de buffle et un pourpoint de même couleur, serré par un ceinturon d'où pendait une épée aux fleurs de lys. Un manteau de soie était jeté sur ses épaules et sa tête était couverte d'un chapeau à petits bords, ombragé de plumes. Une fraise de dentelle rabattue sur sa poitrine laissait voir son cou découvert. Deux moustaches, noires comme l'ébène, donnaient à son visage naturellement doux un air mâle et guerrier. De larges bottes, qui tombaient et se repliaient sur ses pieds, portaient l'éperon d'or, marque de la chevalerie. À quelque distance, un autre chevalier se tenait debout, appuyé sur la croix de fer de sa longue épée. Il était vêtu comme l'autre chevalier, mais il paraissait plus âgé. Son air austère, bien qu'ardent et passionné, inspirait le respect et la crainte. La croix rouge de Calatrava était brodée sur son pourpoint avec cette devise « Pour elle et pour mon roi ». Un cri involontaire s'échappa de la bouche de Blanca lorsqu'elle aperçut Aben Hamet. « Chevalier, dit-elle aussitôt, voici l'infidèle dont je vous ai tant parlé. Craignez qu'il ne remporte la victoire. Les Abencerrages étaient faits comme lui, et nul ne les surpassait en loyauté, courage et galanterie. » Don Carlos s'avança au-devant d'Aben Hamet. « Seigneur mort, dit-il, mon père et ma sœur m'ont appris votre nom. On vous croit d'une race noble et brave. Vous-même vous êtes distingué par votre courtoisie. Bientôt, Charles Quint, mon maître, doit porter la guerre à Tunis et nous nous verrons, j'espère, au champ d'honneur. » Aben Hamet posa la main sur son sein, s'assit à terre sans répondre et resta les yeux attachés sur Blanca et sur Lautrec. Celui-ci admirait, avec la curiosité de son pays, la robe superbe, les armes brillantes, la beauté du mort. Blanca ne paraissait point embarrassée. Toute son âme était dans ses yeux. La sincère espagnole n'essayait point de cacher le secret de son cœur. Après quelques moments de silence, Aben Hamet se leva, s'inclina devant la fille de Don Rodrigue et se retira. Étonné du maintien du mort et des regards de Blanca, Lautrec sortit avec un soupçon qui se changea bientôt en certitude. Don Carlos resta seul avec sa sœur. « Blanca, lui dit-il, expliquez-vous. D'où naît le trouble que vous a causé la vue de cet étranger ?»« Mon frère, répondit Blanca, j'aime Aben Hamet, et s'il veut se faire chrétien, ma main est à lui. »« Quoi ? S'écria Don Carlos. Vous aimez Aben Hamet ? La fille des Bivards aime un mort, un infidèle, un ennemi que nous avons chassé de ses palais ?»« Don Carlos, répliqua Blanca, j'aime Aben Hamet. Aben Hamet m'aime. « Depuis 3 ans, il renonce à moi plutôt que de renoncer à la religion de ses pères. Noblesse, honneur, chevalerie sont en lui. Jusqu'à mon dernier soupir, je l'adorerai. » Don Carlos était digne de sentir ce que la résolution d'Aben Hamet avait de généreux, quoiqu'il déplorât l'aveuglement de cet infidèle. « Infortuné Blanca, dit-il, où te conduira cet amour? J'avais espéré que Lautrec, mon ami, deviendrait mon frère. » « Tu t'étais trompé, répondit Blanca. Je ne puis aimer cet étranger. Quant à mes sentiments pour Aben Hamet, je n'en dois compte à personne. Garde tes serments de chevalerie comme je garderai mes serments d'amour. Sache seulement, pour te consoler, que jamais Blanca ne sera l'épouse d'un infidèle. » « Notre famille disparaîtra donc de la terre, s'écria Don Carlos. « C'est à toi de la faire revivre, dit Blanca. Qu'importe d'ailleurs des fils que tu ne verras point et qui dégénéreront de ta vertu. Don Carlos, je sens que nous sommes les derniers de notre race. Nous sortons trop de l'ordre commun pour que notre sang fleurisse après nous. Le Cid fut notre aïeul, il sera notre postérité. » Blanca sortit. Don Carlos vole chez la Benserrage. « Mort, lui dit-il, renonce à ma sœur ou accepte le combat. » « Es-tu chargé par ta sœur, répondit Aben Hamet, de me redemander les serments qu'elle m'a faits ? « Non, répliqua Don Carlos, elle t'aime plus que jamais. » « Ah, digne frère de Blanca, s'écria Aben Hamet en l'interrompant, je dois tenir tout mon bonheur de ton sang. Ô fortuné Aben Hamet, ô heureux jour, je croyais Blanca infidèle pour ce chevalier français. » « Et c'est là ton malheur, s'écria à son tour Don Carlos hors de lui. Lautrec est mon ami, sans toi, il serait mon frère. Rends-moi raison des larmes que tu fais verser à ma famille. » « Je le veux bien, répondit Aben Hamet, mais, né d'une race qui peut-être a combattu la tienne, je ne suis pourtant point chevalier. Je ne vois ici personne pour me conférer l'ordre qui te permettra de te mesurer avec moi sans descendre de ton rang. » Don Carlos, frappé de la réflexion du mort, le regarda avec un mélange d'admiration et de fureur. Puis tout à coup, « C'est moi qui t'armerai chevalier, tu en es digne. » Aben Hamet fléchit le genou devant Don Carlos, qui lui donne l'accolade en lui frappant 3 fois l'épaule du plat de son épée. Ensuite, Don Carlos lui ceint cette même épée que la Benserrage va peut-être lui plonger dans la poitrine. Tel était l'antique honneur. tous deux s'élancent sur leur coursier, sortent des murs de grenades et volent à la fontaine du pain. Les duels des morts et des chrétiens avaient depuis longtemps rendu cette source célèbre. C'était là que Malik Alabès s'était battu contre Ponce de Léon et que le grand maître de Calatrava avait donné la mort au valeureux Abayados. On voyait encore les débris des armes de ce chevalier mort suspendues aux branches du pin, et l'on apercevait sur l'écorce de l'arbre quelques lettres d'une inscription funèbre. Don Carlos montra de la main la tombe d'Abayados à l'Abencerrage. « Imite, lui cria-t-il, ce brave infidèle, et reçois le baptême et la mort de ma main. » « La mort peut-être, répondit Abenhamed, mais vive Allah et le prophète. » Ils prirent aussitôt du champ et coururent l'un sur l'autre avec furie. Ils n'avaient que leurs épées. Abenhamed était moins habile dans les combats que Don Carlos, mais la bonté de ses armes, trempées à Damas, et la légèreté de son cheval arabe lui donnaient encore l'avantage sur son ennemi. Il lança son courrier comme les morts, et avec son large étrier tranchant, il coupa la jambe droite du cheval de Don Carlos au-dessous du genou. Le cheval blessé s'abattit, et Don Carlos, démonté par ce coup heureux, marcha sur Abenhamed l'épée haute. Abenhamed saute à terre et reçoit Don Carlos avec intrépidité. Il pare les premiers coups de l'Espagnol qui brise son épée sur le fer de Damas. Trompé deux fois par la fortune, Don Carlos verse des pleurs de rage et crie à son ennemi « Frappe, mort, frappe ! Don Carlos désarmé te défie, toi et toute ta race infidèle !» « Tu pouvais me tuer, » répond l'Abencerrage, « mais je n'ai jamais songé à te faire la moindre blessure. J'ai voulu seulement te prouver que j'étais digne d'être ton frère et t'empêcher de me mépriser. » Dans cet instant, on aperçoit un nuage de poussière. Lautrec et Blanca pressaient deux cavales de fesses plus légères que les vents. Ils arrivent à la fontaine du pain et voient le combat suspendu. « Je suis vaincu, » dit Don Carlos. « Ce chevalier m'a donné la vie. » Lautrec, vous serez peut-être plus heureux que moi. Mes blessures, dit Lautrec d'une voix noble et gracieuse, me permettent de refuser le combat contre ce chevalier courtois. Je ne veux point, ajouta-t-il en rougissant, connaître le sujet de votre querelle et pénétrer un secret qui porterait peut-être la mort dans mon sein. Bientôt, mon absence fera renaître la paix parmi vous, à moins que Blanca ne m'ordonne de rester à ses pieds. « Chevalier, dit Blanca, vous demeurerez auprès de mon frère. Vous me regarderez comme votre sœur. Tous les cœurs qui sont ici éprouvent des chagrins. Vous apprendrez de nous à supporter les maux de la vie. » Blanca voulut contraindre les trois chevaliers à se donner la main. Tous les trois s'y refusèrent. « Je hais Abenhamed, s'écria Don Carlos. « Je l'envie, dit Lautrec. « Et moi, dit l'Abencerrage, j'estime Don Carlos et je plains Lautrec. Mais je ne saurais les aimer. Voyons-nous toujours, dit Blanca, et tôt ou tard, l'amitié suivra l'estime. Que l'événement fatal qui nous rassemble ici soit à jamais ignoré de Grenade. Abenhamed devint dès ce moment mille fois plus cher à la fille du duc de Santa Fe. L'amour aime la vaillance. Il ne manquait plus rien à l'Abencerrage, puisqu'il était brave et que Don Carlos lui devait la vie. Abenhamed, par le conseil de Blanca, s'abstint pendant quelques jours de se présenter au palais afin de laisser se calmer la colère de Don Carlos. Un mélange de sentiments doux et amers remplissait l'âme de l'Abencerrage. Si d'un côté l'assurance d'être aimé avec tant de fidélité et d'ardeur était pour lui une source inépuisable de délices, d'un autre côté la certitude de n'être jamais heureux sans renoncer à la religion de ses pères accablait le courage d'Abenhamed. Déjà plusieurs années s'étaient écoulées sans apporter de remède à ses maux. Verrait-il ainsi s'écouler le reste de sa vie? Il était plongé dans un abîme de réflexions les plus sérieuses et les plus tendres lorsqu'un soir il entendit sonner cette prière chrétienne qui annonce la fin du jour. Il lui vint en pensée d'entrer dans le temple du dieu de Blanca et de demander des conseils au maître de la nature. Il sort. Il arrive à la porte d'une ancienne mosquée convertie en église par les fidèles. Le cœur saisi de tristesse et de religion, il pénètre dans le temple qui fut autrefois celui de son Dieu et de sa patrie. La prière venait de finir. Il n'y avait plus personne dans l'église. une sainte obscurité régnait à travers une multitude de colonnes qui ressemblaient au tronc des arbres d'une forêt régulièrement plantée. L'architecture légère des Arabes s'était mariée à l'architecture gothique, et sans rien perdre de son élégance, elle avait pris une gravité plus convenable aux méditations. Quelques lampes éclairaient à peine les enfoncements des voûtes, mais à la clarté de plusieurs cierges allumés, on voyait encore briller l'autel du sanctuaire. Il étincelait d'or et de pierreries. Les Espagnols mettent toute leur gloire à se dépouiller de leurs richesses pour emparer les objets de leur culte. Et l'image du Dieu vivant, placée au milieu des voiles de dentelle, des couronnes de perles et des gerbes de rubis, est adorée par un peuple à demi nu. On ne remarquait aucun siège au milieu de la vaste enceinte. Un pavé de marbre qui recouvrait des cercueils servait aux grands comme aux petits pour se prosterner devant le Seigneur. Aben Hamed s'avançait lentement dans les nefs désertes qui retentissaient du seul bruit de ses pas. Son esprit était partagé entre les souvenirs que cet ancien édifice de la religion des morts retraçait à sa mémoire et les sentiments que la religion des chrétiens faisait naître dans son cœur. Il entrevit, au pied d'une colonne, une figure immobile qu'il prit d'abord pour une statue sur un tombeau. Il s'en approche. Il distingue un jeune chevalier à genoux, le front respectueusement incliné et les deux bras croisés sur sa poitrine. Ce chevalier ne fit aucun mouvement au bruit des pas d'Aben Hamed. Aucune distraction, aucun signe extérieur de vie ne troubla sa profonde prière. Son épée était couchée à terre devant lui et son chapeau chargé de plumes était posé sur le marbre à ses côtés. Il avait l'air d'être fixé dans cette attitude par l'effet d'un enchantement. C'était Lautrec. « Ah !» dit l'Abencerrage en lui-même, « ce jeune et beau Français demande au ciel quelques faveurs signalées. Ce guerrier, déjà célèbre par son courage, répand ici son cœur devant le souverain du ciel comme le plus humble et le plus obscur des hommes. Prions donc aussi le Dieu des chevaliers et de la gloire. » Aben Hamed allait se précipiter sur le marbre lorsqu'il aperçut, à la lueur d'une lampe, des caractères arabes et un verset du Coran qui paraissait sous un plâtre à demi tombé. Les remords rentrent dans son cœur et il se hâte de quitter l'édifice où il a pensé devenir infidèle à sa religion et à sa patrie. Le cimetière qui environnait cette ancienne mosquée était une espèce de jardin planté d'orangers, de cyprès, de palmiers et arrosé par deux fontaines. Un cloître régnait alentour. Aben Hamed, en passant sous un des portiques, aperçut une femme prête à entrer dans l'église. Quoiqu'elle fût enveloppée d'un voile, l'Abencerrage reconnut la fille du duc de Santa Fe. Il l'arrête et lui dit « Viens-tu chercher Lautrec dans ce temple ?»« Laisse là ces vulgaires jalousies, » répondit Blanca. « Si je ne t'aimais plus, je te le dirais. Je dédaignerais de te tromper. Je viens ici prier pour toi. Toi seul est maintenant l'objet de mes vœux. J'oublie mon âme pour la tienne. Il ne fallait pas m'enivrer du poison de ton amour, ou il fallait consentir à servir le Dieu que je sers. Tu troubles toute ma famille. Mon frère te hait. Mon père est accablé de chagrin parce que je refuse de choisir un époux. Ne t'aperçois-tu pas que ma santé s'altère? Vois cet asile de la mort, il est enchanté. Je m'y reposerai bientôt si tu ne te hâtes de recevoir ma foi au pied de l'autel des chrétiens. Les combats que j'éprouve minent peu à peu ma vie. La passion que tu m'inspires ne soutiendra pas toujours ma frêle existence. Songe, ô mort, pour te parler ton langage, que le feu qui allume le flambeau est aussi le feu qui le consume. Blanca entre dans l'église et laisse Aben Hamed accablé de ses dernières paroles. C'en est fait, l'Abencerrage est vaincu. Il va renoncer aux erreurs de son culte. Assez longtemps, il a combattu. La crainte de voir Blanca mourir l'emporte sur tout autre sentiment dans le cœur d'Aben Hamed. Après tout, se disait-il, le Dieu des chrétiens est peut-être le Dieu véritable. Ce Dieu est toujours le Dieu des nobles âmes, puisqu'il est celui de Blanca, de Don Carlos et de Lautrec. Dans cette pensée, Aben Hamed attendit avec impatience le lendemain pour faire connaître sa résolution à Blanca et changer une vie de tristesse et de larmes en une vie de joie et de bonheur. il ne put se rendre au palais du duc de Santa Fe que le soir. Il apprit que Blanca était allée avec son frère au Généralive, où Lautrec donnait une fête. Abenhamet, agité de nouveaux soupçons, vole sur les traces de Blanca. Lautrec rougit en voyant paraître l'Abencerrage. Quant à Don Carlos, il reçut le mort avec une froide politesse, mais à travers laquelle perçait l'estime. Lautrec avait fait servir les plus beaux fruits de l'Espagne et de l'Afrique dans une des salles du Généralive, appelée la salle des chevaliers. Tout autour de cette salle étaient suspendus les portraits des princes et des chevaliers vainqueurs de mort, Pélage, Le Cid, Gonzalve de Cordoue. L'épée du dernier roi de Grenade était attachée au-dessous de ces portraits. Abenhamed renferma sa douleur en lui-même et dit seulement, comme le lion, en regardant ces tableaux, « Nous ne savons pas peindre. » Le généreux Lautrec, qui voyait les yeux de l'Abencerrage se tourner malgré lui vers l'épée de Boabdil, lui dit, « Chevalier mort, si j'avais prévu que vous m'eussiez fait l'honneur de venir à cette fête, je ne vous aurais pas reçu ici. » On perd tous les jours une épée, et j'ai vu le plus vaillant des rois remettre la sienne à son heureux ennemi. « Ah !» s'écria le mort en se couvrant le visage d'un pan de sa robe. « On peut la perdre comme François Ier, mais comme Boabdil. » La nuit vint. On apporta des flambeaux. La conversation changea de cours. On pria Don Carlos de raconter la découverte du Mexique. Il parla de ce monde inconnu avec l'éloquence pompeuse naturelle à la nation espagnole. Il dit les malheurs de Montezuma, les mœurs des Américains, les prodiges de la valeur castillane, et même les cruautés de ses compatriotes qui ne lui semblaient mériter ni blâme ni louange. Ces récits enchantaient Abenhamed, dont la passion pour les histoires merveilleuses trahissait le sang arabe. Il fit à son tour le tableau de l'Empire ottoman, nouvellement assis sur les ruines de Constantinople, non sans donner des regrets au premier empire de Mahomet. Temps heureux où le commandeur des croyants voyait briller autour de lui Zobéide, Fleur de Beauté, Force des Cœurs, Tourmente et ce généreux Ganem, esclave par amour. Quant à Lautrec, il peignit la cour galante de François Ier, les arts renaissants du sein de la barbarie, l'honneur, la loyauté, la chevalerie des anciens temps, unis à la politesse des siècles civilisés, les tourelles gothiques ornées des ordres de la Grèce et les dames gauloises rehaussant la richesse de leurs atours par l'élégance athénienne. Après ces discours, Lautrec, qui voulait amuser la divinité de cette fête, prit une guitare et chanta cette romance qu'il avait composée sur un air des montagnes de son pays. Note de l'auteur, cette romance est déjà connue du public. J'en avais composé les paroles pour un air des montagnes d'Auvert, remarquable par sa douceur et sa simplicité. Combien j'ai douce souvenance du joli lieu de ma naissance. Ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France. Ô mon pays, sois mes amours, toujours. Te souvient-il que notre mère, au foyer de notre chaumière, nous pressait sur son cœur joyeux, ma chère, et nous baisions ses blancs cheveux tous deux. Ma sœur, te souvient-il encore du château que baignait la Dore et de cette tant vieille tour du mort où les reins sonnaient le retour du jour? Te souvient-il du lac tranquille qu'effleurait l'hirondelle agile, du vent qui courbait le roseau mobile et du soleil couchant sur l'eau si beau? Oh, qui me rendra mon Hélène et ma montagne et le grand chêne? Leur souvenir fait tous les jours ma peine. Mon pays sera mes amours toujours. Lautrec, en achevant le dernier couplet, essuya avec son gant une larme que lui arrachait le souvenir du gentil pays de France. Les regrets du beau prisonnier furent vivement sentis par Abenhamed, qui déplorait comme Lautrec la perte de sa patrie. Sollicité de prendre à son tour la guitare, il s'en excusa en disant qu'il ne savait qu'une romance et qu'elle serait peu agréable à des chrétiens. Si ce sont des infidèles qui gémissent de nos victoires, repartit dédaigneusement Don Carlos, « Vous pouvez chanter, les larmes sont permises aux vaincus. » « Oui, dit Blanca, et c'est pour cela que nos pères, soumis autrefois au jour des morts, nous ont laissé tant de complaintes. » Abenhamed chanta donc cette ballade qu'il avait apprise d'un poète de la tribu des Abencerrages. Note de l'auteur. En traversant un pays montagneux entre Algésiras et Cadix, je m'arrêtai dans une bente située au milieu d'un bois. Je n'y trouvai qu'un petit garçon de 14 à 15 ans et une petite fille à peu près du même âge, frère et sœur, qui tressaient auprès du feu des nattes de jonc. Ils chantaient une romance dont je ne comprenais pas les paroles, mais dont l'air était simple et naïf. Il faisait un temps affreux. Je restai 2 heures à la bente. Mes jeunes hôtes répétèrent si longtemps les couplets de leur romance qu'il me fut aisé d'en apprendre l'air par cœur, et c'est sur cet air que j'ai composé la romance de l'Abencerrage. Peut-être était-il question d'Aben Hamed dans la chanson de mes deux petits Espagnols. Au reste, le dialogue de Grenade et du roi de Léon est imité d'une romance espagnole. Le roi Don Juan, un jour chevauchant, vit sur la montagne Grenade d'Espagne. Il lui dit soudain, « Si t'es mignonne, mon cœur te donne avec ma main. Je t'épouserai, puis apporterai en don à ta ville Cordoue et Séville. Superbes atours et perles fines je te destine pour nos amours. » Grenade répond, « Grand roi de Léon, aux morts liés je suis mariée. Garde tes présents, j'ai pour parure riche ceinture et beaux enfants. » Ainsi tu disais, ainsi tu mentais. Ô mortelle injure, Grenade et parjure, un chrétien maudit d'Abencerrage tient l'héritage. C'était écrit. Jamais le chameau n'apporte au tombeau près de la piscine l'agie de Médine. Un chrétien maudit d'Abencerrage tient l'héritage. C'était écrit. Ô belle Alhambra, ô palais d'Allah, cité des fontaines, fleuves aux vertes plaines, un chrétien maudit d'Abencerrage tient l'héritage. C'était écrit. La naïveté de ses plaintes avait touché jusqu'au superbe Don Carlos, malgré les imprécations prononcées contre les chrétiens. Il aurait désiré qu'on le dispensât de chanter lui-même, mais par courtoisie pour Lautrec, il crut devoir céder à ses prières. Aben Hamed donna la guitare au frère de Blanca, qui célébra les exploits du Cid, son illustre aïeul. Note de l'auteur. Tout le monde connaît l'air des Folies d'Espagne. Cet air était sans parole, du moins il n'y avait point de paroles qui en rendissent le caractère grave, religieux et chevaleresque. J'ai essayé d'exprimer ce caractère dans la romance du Cid. Cette romance s'étant répandue dans le public sans mon aveu, des maîtres célèbres m'ont fait l'honneur de l'embellir de leur musique. Mais comme je l'avais expressément composé pour l'air des Folies d'Espagne, il y a un couplet qui devient un vrai galimatia s'il ne se rapporte à mon intention primaire. Mon noble chant vainqueur, d'Espagne un jour deviendra la folie, etc. Enfin, ces trois romances n'ont quelque mérite qu'autant qu'elles sont chantées sur 3 vieux airs véritablement nationaux. Elles amènent d'ailleurs le dénouement. Prêt à partir pour la rive africaine, le Cid armé, tout brillant de valeur, sur sa guitare, au pied de sa chimène, chantait ces vers que lui dictait l'honneur. Chimène a dit, va combattre le mort. De ce combat, surtout, reviens vainqueur. Oui, je croirai que Rodrigue m'adore s'il fait céder son amour à l'honneur. Donnez, donnez mon casque et ma lance. Je veux montrer que Rodrigue a du cœur. Dans les combats signalant sa vaillance, son cri sera pour sa dame et l'honneur. Mort vanté pour ta galanterie, de tes accents mon noble chant vainqueur, d'Espagne un jour deviendra la folie, car il peindra l'amour avec l'honneur. Dans le vallon de notre Andalousie, les vieux chrétiens compteront ma valeur. Il préféra, diront-ils, à la vie, son Dieu, son roi, sa chimène et l'honneur. Don Carlos avait paru si fier en chantant ces paroles d'une voix mâle et sonore qu'on l'aurait pris pour le Cid lui-même. Lautrec partageait l'enthousiasme guerrier de son ami. Mais l'Abencerrage avait pâli au nom du Cid. « Ce chevalier, dit-il, que les chrétiens appellent la fleur des batailles, porte parmi nous le nom de cruel. Si sa générosité avait égalé sa valeur... » Sa générosité, repartit vivement Don Carlos, interrompant Aben Hamed, surpassait encore son courage, et il n'y a que des morts qui puissent calomnier le héros à qui ma famille doit le jour. « Que dis-tu ? S'écria Aben Hamed, s'élançant du siège où il était à demi couché. Tu comptes le Cid parmi tes aïeux ? Son sang coule dans mes veines, répliqua Don Carlos, et je me reconnais de ce noble sang à la haine qui brûle dans mon cœur contre les ennemis de mon Dieu. Ainsi, dit Aben Hamet, regardant Blanca, vous êtes de la maison de ces bivards qui, après la conquête de Grenade, envahirent les foyers des malheureux Abencerrages et donnèrent la mort à un vieux chevalier de ce nom qui voulut défendre le tombeau de ses aïeux. Mort ! S'écria Don Carlos enflammé de colère. Sache que je ne me laisse point t'interroger. Si je possède aujourd'hui la dépouille des Abencerrages, mes ancêtres l'ont acquise au prix de leur sang, et ils ne la doivent qu'à leur épée. Encore un mot, dit Aben Hamet, toujours plus ému. Nous avons ignoré, dans notre exil, que les bivards eussent porté le titre de Santa Fe. C'est ce qui a causé mon erreur. Ce fut, répondit Don Carlos, à ce même bivard, vainqueur des Abencerrages, que ce titre fut conféré par Ferdinand le Catholique. La tête d'Aben Hamet se pencha dans son sein. Il resta debout au milieu de Don Carlos, de Lautrec et de Blanca étonnés. Deux torrents de larmes coulèrent de ses yeux sur le poignard attaché à sa ceinture. « Pardonnez, dit-il. Les hommes, je le sais, ne doivent pas répandre des larmes. Désormais, les miennes ne couleront plus au dehors, quoiqu'il me reste beaucoup à pleurer. Écoutez-moi. Blanca, mon amour pour toi égale l'ardeur des vents brûlants de l'Arabie. J'étais vaincue. Je ne pouvais plus vivre sans toi. Hier, la vue de ce chevalier français en prière, tes paroles dans le cimetière du temple, m'avaient fait prendre la résolution de connaître ton Dieu et de t'offrir ma foi. » Un mouvement de joie de Blanca et de surprise de Don Carlos interrompit Aben Hamet. Lautrec cacha son visage dans ses deux mains. Le mort devina sa pensée et secouant la tête avec un sourire déchirant. « Chevalier, dit-il, ne perds pas toute espérance. Et toi, Blanca, pleure à jamais sur le dernier Abencerrage. » Blanca, Don Carlos, Lautrec levèrent tous trois les mains au ciel et s'écrièrent « Le dernier Abencerrage ?» Le silence règne. La crainte, l'espoir, la haine, l'amour, l'étonnement, la jalousie agitent tous les cœurs. Blanca tombe bientôt à genoux. « Dieu de bonté, dit-elle, tu justifies mon choix. Je ne pouvais aimer que le descendant des héros. » « Ma sœur, s'écria Don Carlos irrité, songez donc que vous êtes ici devant Lautrec. » Don Carlos dit à Ben Hamet, suspend ta colère, c'est à moi à vous rendre le repos. Alors, s'adressant à Blanca qui s'était assise de nouveau, Houri du ciel, génie de l'amour et de la beauté, Aben Hamet sera ton esclave jusqu'à son dernier soupir. Mais connais toute l'étendue de son malheur. Le vieillard, immolé par ton aïeul en défendant ses foyers, était le père de mon père. Apprends encore un secret que je t'ai caché, ou plutôt que tu m'avais fait oublier. Lorsque je vins la première fois visiter cette triste patrie, j'avais surtout pour dessein de chercher quelque fils des bivards qui pût me rendre compte du sang que ses pères avaient versé. Eh bien, dit Blanca d'une voix douloureuse, mais soutenue par l'accent d'une grande âme, quelle est ta résolution ? La seule qui soit digne de toi, répondit Aben Hamet, te rendre tes serments, satisfaire par mon éternelle absence et par ma mort, à ce que nous devons l'un et l'autre à l'inimitié de nos dieux, de nos patries et de nos familles. Si jamais mon image s'effaçait de ton cœur, si le temps qui détruit tout emportait de ta mémoire le souvenir d'Abencerrage, ce chevalier français, tu dois ce sacrifice à ton frère. Lautrec se lève avec impétuosité, se jette dans les bras du mort. « Aben Hamet, s'écrie-t-il, ne crois pas me vaincre en générosité. Je suis français, Bayard Marmas Chevalier. J'ai versé mon sang pour mon roi. Je serai, comme mon parrain et comme mon prince, sans peur et sans reproche. Si tu restes parmi nous, je supplie Don Carlos de t'accorder la main de sa sœur. Si tu quittes Grenade, jamais un mot de mon amour ne troublera ton amante. Tu n'emporteras point dans ton exil la funeste idée que Lautrec, insensible à ta vertu, cherche à profiter de ton malheur. » Et le jeune chevalier pressait le mort sur son sein avec la chaleur et la vivacité d'un Français. « Chevalier, dit Don Carlos à son tour, je n'attendais pas moins de vos illustres races. Aben Hamet, à quelle marque puis-je vous reconnaître pour le dernier Abencerrage ?»« À ma conduite, répondit Aben Hamet. Je l'admire, dit l'Espagnol. Mais avant de m'expliquer, montrez-moi quelques signes de votre naissance. Abenhamed tira de son sein l'anneau héréditaire des Abencerrage, qu'il portait suspendu à une chaîne d'or. À ce signe, Don Carlos tendit la main au malheureux Abenhamed. « Sire chevalier, dit-il, je vous tiens pour prud'homme et véritable fils de roi. Vous m'honorez par vos projets sur ma famille. J'accepte le combat que vous étiez venu secrètement chercher. Si je suis vaincu, tous mes biens, autrefois tous les vôtres, vous seront fidèlement remis. Si vous renoncez au projet de combattre, acceptez à votre tour ce que je vous offre. Soyez chrétien et recevez la main de ma sœur que Lautrec a demandée pour vous. » La tentation était grande, mais elle n'était pas au-dessus des forces d'Abenhamed. Si l'amour dans toute sa puissance parlait au cœur de l'Abencerrage, d'une autre part, il ne pensait qu'avec épouvante à l'idée d'unir le sang des persécuteurs au sang des persécutés. Il croyait voir l'ombre de son aïeul sortir du tombeau et lui reprocher cette alliance sacrilège. Transpercé de douleur, Abenhamed s'écrie « Ah, faut-il que je rencontre ici tant d'âmes sublimes, tant de caractères généreux, pour mieux sentir ce que je perds ? Que Blanca prononce, qu'elle dise ce qu'il faut que je fasse pour être plus digne de son amour. » Blanca s'écrie « Retourne au désert !» et elle s'évanouit. Abenhamed se prosterna, adora Blanca encore plus que le ciel et sortit sans prononcer une seule parole. Dès la nuit même, il partit pour Malaga et s'embarqua sur un vaisseau qui devait toucher à Oran. Il trouva, campé près de cette ville, la caravane qui tous les 3 ans sort de Maroc, traverse l'Afrique, se rend en Égypte et rejoint dans l'Yémen la caravane de la Mecque. Abenhamed se mit au nombre des pèlerins. Blanca, dont les jours furent d'abord menacés, revint à la vie. Lautrec, fidèle à la parole qu'il avait donnée à l'Abencerrage, s'éloigna, et jamais un mot de son amour ou de sa douleur ne troubla la mélancolie de la fille du duc de Santa Fe. Chaque année, Blanca allait errer sur les montagnes de Malaga, à l'époque où son amant avait coutume de revenir d'Afrique. Elle s'asseyait sur les rochers, regardait la mer, les vaisseaux lointains, et retournait ensuite à Grenade. Elle passait le reste de ses jours parmi les ruines de l'Alhambra. Elle ne se plaignait point, elle ne pleurait point, elle ne parlait jamais d'Abenhamed. Un étranger l'aurait crue heureuse. Elle resta seule de sa famille. Son père mourut de chagrin et Don Carlos fut tué dans un duel où Lautrec lui servit de second. On n'a jamais su quelle fut la destinée d'Abenhamed. Lorsqu'on sort de Tunis, par la porte qui conduit aux ruines de Carthage, on trouve un cimetière. Sous un palmier, dans un coin de ce cimetière, on m'a montré un tombeau qu'on appelle le tombeau du dernier Abencerrage. Il n'a rien de remarquable. La pierre sépulcrale en est toute unie. Seulement, d'après une coutume des morts, on a creusé au milieu de cette pierre un léger enfoncement avec le ciseau. L'eau de la pluie se rassemble au fond de cette coupe funèbre et sert, dans un climat brûlant, à désaltérer l'oiseau du ciel.